Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local avec... Il y avait des matchs qui nous intéressaient hier, ou plutôt en fin de semaine, dans les différentes ligues. On sait que les matchs au concours sont débutés. Et d'abord, victoire des Sabres de Roberval dans le junior régional contre les Épaviers de Normandais 3-2. Dans le match, Maxime Paul et Vincent Fortin ont compté les buts pour les Sabres. Et hier, victoire des Sabres contre les Marquis de Jonquière 5-4. Il y a deux buts de Frédéric Simard, Gabriel Larivière et Jérémy Girard ont aussi marqué dans la victoire. Maintenant, hier, le Marcos Paul de Saint-Félicien a gagné 4-0 contre les Aiglons d'Allemand. Deux buts entre autres de Simon Lepage et Alex Perron. Et dans le Bantam, hier, les Rapides ont vaincu Massouillache par la marque de 6-1. Maintenant, on va parler de course à pied. Il y avait en fin de semaine un tournoi ou encore une compétition de course à pied. C'était la 37e édition de la course à pied Métro Dubé. Ça se déroulait à Alma et d'abord au 21 km chez les femmes. Marie-Claude Brassard de Saint-Jean d'Arc a été la meilleure avec un temps de 1 minute 25 secondes et 44 centièmes. Et notons également que du côté des 3 km garçons, Étienne Saint-Pierre de Saint-Jean d'Arc également a été le meilleur avec un temps de 1 heure et 20 secondes. Le sport local et régional à donradiosport.com. On s'en occupe.